إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers frères et sœurs, nous continuons la lecture du conseil écrit par l'imam Sofiane al-Thawri rahimahullah ta'ala à Abbad ibn Abbad au sujet du comportement à adopter avec les gens. Nous avons vu hier que le premier des conseils qu'il lui a adressé est de baser ses relations sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre garde à ne pas faire de concessions au sujet de sa religion dans le but d'obtenir la satisfaction des gens. Mais tu dois toujours viser la satisfaction de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, tout en veillant à accomplir ses devoirs vis-à-vis des gens et en s'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala concernant nos droits. Ceci est le résumé de ce que l'on a vu dans le cours d'hier. Ensuite, il lui a dit, « فَعَلَيْكَ بِتَقْوَ اللَّهِ » Accroche-toi donc à la crainte d'Allah. Il répète ici cette recommandation immense, et ce car elle fait partie des choses les plus importantes dont a besoin la personne. C'est pour cela qu'il nous convient de sans cesse nous rappeler la crainte d'Allah, de nous rappeler que nous devons craindre notre Seigneur. Et lorsque l'on te dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois avoir conscience que ceci est une orientation vers ce qui est profitable pour toi ici-bas et dans l'au-delà. Et tu ne dois pas être vexé. Certaines personnes, lorsqu'on leur dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, elles prennent cela comme une parole méprisante ou une forme de dénigrement, alors que c'est la meilleure des recommandations qui puissent être adressées. Tu dois donc l'accepter d'une poitrine apaisée. Et regarde ici, il lui répète deux fois de suite. Il lui dit donc, accroche-toi à la crainte d'Allah. Walzam al-uzla wasta'nis bi kitabillahi azza wa jal. Et accroche-toi à la solitude. Veille à rester seul et prends pour compagnon le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui conseille ici de s'isoler et de prendre pour compagnon le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car, comme on l'a vu dans le cours d'hier, il lui a dit que les temps sont devenus troubles, que le faux s'est mêlé à la vérité, et que rares sont ceux à obtenir le salut à cette époque. Donc, parmi les moyens qui lui permettront d'obtenir le salut et d'être à l'abri du mal des gens, il y a le fait de s'isoler. Mais qu'est-ce qui est visé par l'isolement et la solitude ici? Ce qui est visé, ce n'est pas l'isolement total et le fait de se couper du monde, mais l'isolement qui lui ordonne ici est de veiller à ne pas trop fréquenter les gens et de se concentrer sur sa personne et sur les gens qui sont sous sa responsabilité. Car il n'est pas possible pour l'homme de s'isoler de manière absolue, au point de vivre seul. Car celui qui vivrait de cette manière et s'isolerait totalement des gens, alors il manquerait à nombre de ses obligations religieuses, comme la prière du vendredi, les prières en groupe, l'entraide sur le bien et la piété, la visite des malades, les prières mortuaires, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il n'est pas possible de s'isoler de manière absolue. Mais ce qui est visé par cette recommandation, comme on a dit, c'est de ne pas trop se mélanger aux gens, de ne pas trop les fréquenter. Et ceci est une chose qui est demandée religieusement. Car en évitant l'excès de fréquentation, tu te mettras à l'abri de beaucoup de mal. En effet, de manière générale, le bien est très peu répandu parmi les gens. Et la majorité d'entre eux, surtout à notre époque, n'ont pour préoccupation que les biens vils de ce bas monde. Donc dans cette situation, il se peut que fréquenter les gens te soit nuisible sur le plan religieux. Il se peut que les fréquenter soit une cause de baisse de foi, en raison de la futilité de leur sujet de conversation, au pire encore, des paroles nuisibles et interdites qu'ils pourraient prononcer. Donc si telle est la situation, si fréquenter ces personnes nuit à ta religion, alors dans ce cas précis, il est demandé de s'isoler de ces personnes particulièrement. Mais si tu as autour de toi des frères en Allah, avec qui tu t'entraides sur le bien et la piété, que vous vous motivez les uns les autres dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'apprentissage de la science et dans la mise en pratique. Alors, dans cette situation, il ne t'est pas permis de t'isoler d'eux, mais il est obligatoire pour toi de les fréquenter et de continuer à t'entraider avec eux. Car l'isolement serait pour toi dans cette situation une chose nuisible. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le loup ne s'attaque qu'à la brebis égarée, celle qui est seule, et de la même manière le diable. Donc si tu t'écartes de tes frères, que tu t'éloignes d'eux, que tu ne les fréquentes pas et que tu te prives de cette entraide dans le bien et la piété, alors tu te mets en danger. D'autant plus en l'absence de science et de connaissances, accompagné de manquements dans la mise en pratique et de faiblesse dans la foi. Celui qui est faible dans sa foi et faible dans sa mise en pratique, qui n'a pas beaucoup de science et qui a autour de lui des gens de qui il peut profiter, alors en aucun cas il ne doit s'isoler d'eux. Et c'est pour cela que certains de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, disaient « Apprends la science avant de t'isoler. Apprends la science avant de t'isoler. Tu apprends, et une fois que tu as appris ce dont tu as besoin comme science, que tu as acquis les connaissances suffisantes, à ce moment-là tu pourras t'isoler. Mais lorsque tu es dans l'ignorance, que tes connaissances sont faibles, que ta mise en pratique est faible, et que ta foi est faible, tu as besoin de t'entourer de personnes pieuses et de personnes vertueuses avec qui tu vas t'entraider pour cheminer sur la voie de la droiture. » Et Sofiane, rahimahullah ta'ala, ici leur donne l'isolement et le fait de s'écarter des gens à qui ? À une personne de science, de piété, qui est Abbad ibn Abbad, un grand adorateur. Il a ce qui lui suffit autant sur le plan religieux que sur le plan mondain. Et s'il se mélange aux gens alors, ceux-ci vont lui nuire. C'est pour cela qu'il lui a recommandé de s'isoler. Mais celui qui est faible, qui a besoin de ses frères, qui a besoin de profiter d'eux dans la science, de s'entraider avec eux dans la mise en pratique, dans les œuvres de bien et les œuvres d'obéissance, et même qui a besoin de s'entraider avec eux dans ses affaires mondaines, alors celui-ci, s'il s'isole, l'isolement lui causera du tort et il n'en profitera pas. C'est pour cela qu'on lui dira plutôt « Reste avec tes frères » et entraide-toi avec eux dans le bien et la piété. Car le croyant est faible lorsqu'il est seul, mais il est fort lorsqu'il est accompagné de ses frères. Et ceci nous amène à souligner un point important qui échappe à beaucoup de personnes, qui est que les paroles et les recommandations qui nous sont rapportées de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, afin de les comprendre d'une compréhension correcte, tu as besoin de science. Beaucoup de gens font l'erreur de consulter ces livres dans lesquels sont réunies les paroles de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, puis ensuite tu les vois accomplir des actions étranges. Et si tu les interroges à ce sujet, ils vont te dire « Oui, mais j'ai lu un athar, j'ai lu un récit rapporté de tel ou tel parmi les pieux prédécesseurs. » Puis ils se mettent à accomplir des choses qui ne sont pas légiférées et qui sont parfois contraires à ce que faisait ce pieux prédécesseur duquel est rapportée cette parole sur laquelle il s'est basé. C'est pour cela que les récits de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, tu as besoin de science pour pouvoir les comprendre et en tirer profit. Et tu n'as qu'à regarder cette recommandation ici, de Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, qui dit à Abbad ibn Abbad, et accroche-toi à la solitude. Reste seul. Certaines personnes pourraient prendre cette parole textuellement, puis s'isoler en disant « J'ai lu une parole de Sofiane al-Thawri qui dit de rester seul et de ne plus fréquenter personne. » Et ceci est une erreur. Premièrement, Sofiane al-Thawri, il n'a pas écrit ce conseil à n'importe qui, mais il l'a écrit à Abbad ibn Abbad. Une référence parmi les références dans la science, l'adoration et l'ascétisme. Et ce qui convient à Sofiane al-Thawri et à Abbad ibn Abbad, cela ne convient pas forcément à l'un d'entre nous. Donc pour résumer sur ce sujet, nous dirons que la recommandation de l'isolement ou de la solitude, ce n'est pas une recommandation ou un ordre de s'isoler de manière totale, mais ce qui est visé est de diminuer les fréquentations, et plus particulièrement les fréquentations qui sont nuisibles. Mais si les fréquentations te sont profitables, alors il ne t'est pas demandé de t'isoler de tes frères. Deuxièmement, il n'y a pas d'isolement sans science. Car la personne qui n'a pas de science, si elle s'isole, elle risque de courir à sa perte et de s'égarer. Donc le mieux, pour le musulman, c'est de chercher une bonne compagnie. Une compagnie avec qui tu vas t'entraider dans le bien et la piété. Et en parallèle de cela, tu vas limiter les contacts avec les personnes qui peuvent être nuisibles. Et tu vas te limiter aux contacts nécessaires, en prenant garde que ces relations ne soient pas une cause de baisse de foi, qu'elles ne te mènent pas à commettre des péchés ou à délaisser des obligations et ainsi de suite. Si tu vois que ces fréquentations sont une perte de temps, dans des discussions futiles et sans intérêt, ou pire encore, des discussions nuisibles, ou qu'elles te mènent à commettre des péchés, alors restreins-toi à ce qui est nécessaire, et emprunte à ce sujet la voie du juste milieu, sans excès ni négligence. Tout en sachant que les gens sont de différentes catégories. Il y a des personnes envers qui tu n'as aucun devoir particulier. Ne font pas partie de ta famille, ne sont pas sous ton autorité, ce ne sont pas des proches parents, tu n'as aucun lien avec eux. Donc ceux-là, s'ils sont nuisibles, écarte-toi d'eux de manière absolue. Et s'ils ne sont pas nuisibles, alors, en fonction de l'intérêt. Si tu peux leur être utile ou s'ils peuvent être utiles, alors il n'y a pas de mal, tant que ceci ne mène pas à un péché ou une mauvaise action. Et il y a d'autres personnes envers qui tu as des devoirs particuliers, à l'exemple de tes parents, de tes frères et sœurs, les membres de ta famille, ainsi de suite. Alors cela, il ne t'est pas permis de t'éloigner d'eux de manière absolue, mais il est obligatoire pour toi de maintenir les liens avec eux. Bien sûr, s'ils sont nuisibles, les liens seront diminués, et tu feras simplement le nécessaire pour t'acquitter de tes devoirs envers eux, sans que cela ne te nuise sur le plan religieux. Car la chose la plus capitale que tu dois préserver, c'est ta religion. Et tu dois prendre garde à tout ce qui peut nuire à ta foi. Et c'est cela qui est visé par cette recommandation de Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala. Le fait de s'éloigner des gens et de s'isoler, cela a pour but de préserver ta religion et de préserver ta foi, et de te libérer pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à la multiplication des œuvres qui te rapprochent de ton Seigneur. C'est pour cela qu'après avoir ordonné l'isolement, il a dit « Wasta'nis bi kitabillah » et prends pour compagnon le livre d'Allah. Il n'y a pas de doute que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme compagnon. Donc tu vas profiter de cet isolement, de ces moments de solitude pour te consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme en lisant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec méditation et réflexion, en cherchant à le comprendre, puis à le mettre en pratique. Tu ne dois pas t'isoler pour plonger dans les péchés et les mauvaises actions. Car certains, malheureusement, lorsqu'ils s'isolent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'isolent des gens physiquement, mais ils ne s'isolent pas d'eux virtuellement. Ils s'enferment chez lui, ils ne sortent pas, ils ne fréquentent pas les gens, mais il est du matin au soir et du soir au matin sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, et ainsi de suite. Et il regarde et il écoute toutes sortes de choses interdites. Et celui dont telle est la situation, alors il ne fait aucun doute que l'isolement lui est nuisible, et qu'il lui incombe de ne pas s'isoler, mais plutôt de chercher à être en compagnie de personnes vertueuses, afin de ne pas tomber dans ses péchés et ses mauvaises actions. Comme on a dit, à partir du moment où la personne est faible, et qu'elle a autour d'elle des gens qui sont meilleurs qu'elle, des gens de qui elle peut profiter sur le plan religieux, elle ne doit pas s'isoler. Mais elle doit plutôt s'accrocher à ces personnes et s'entraider avec elles dans le bien et la piété. On va revenir sur d'autres points à ce sujet, inshallah ta'ala, car c'est un sujet que l'imam al-Thawri, rahimahullah ta'ala, a abordé dans différents passages de cette lettre. Ensuite, il a dit « Wahdharil umara » et « Prends garde aux dirigeants ». Et ça aussi, c'est un conseil sur lequel on va revenir, car il l'a abordé dans un autre passage de cette lettre. On le développera à ce moment-là, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il dit « وَعَلَيْكَ بِالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِ مِنْهُمْ » Fréquente les pauvres et les nécessiteux, et rapproche-toi d'eux. Donc on voit à travers cela que ce qu'il lui a ordonné comme isolement, dans le conseil précédent, ce n'est pas un isolement total. Il ne lui a pas ordonné de délaisser l'ensemble des gens. En effet, ici, il lui recommande de fréquenter les pauvres et les nécessiteux et de se rapprocher d'eux. Donc ceci nous démontre que ce qui est visé par l'isolement, ce n'est pas un isolement de l'ensemble des gens, mais c'est le fait de s'isoler et de s'éloigner et de s'écarter de toute personne nuisible sur le plan religieux. Toute personne qui te nuit sur le plan religieux, qui lorsque tu te trouves en sa compagnie, elle commet des interdits ou te fait tomber dans des péchés. Alors ces personnes-là, il t'est ordonné de t'en écarter et de ne pas les fréquenter. Mais les gens qui te sont profitables sur le plan religieux, les gens avec qui tu t'entraides dans le bien, ceux-là, Tu dois veiller à les fréquenter. Et ici, Sofiane, rahimahullah ta'ala, il conseille de fréquenter les pauvres. Et ce car, généralement, les pauvres et les nécessiteux, ce ne sont pas des adeptes de ce bas monde. Mais ils te font rappeler l'au-delà, car ils ne possèdent rien de ce bas monde. Bien souvent, ils n'ont ni commerce, ni argent, ni autre parmi les choses qui peuvent les détourner du rappel de l'au-delà. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Et fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant son visage. Ceux qui matin et soir invoquent Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement pour lui, par espoir de sa récompense et crainte de son châtiment. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant l'ornement de la vie d'ici-bas, le faux brillant de la vie sur terre. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de tenir compagnie aux faibles, aux pauvres, aux nécessiteux qui passent leur temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui évoque leur Seigneur matin et soir, avec sincérité et véracité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il lui dit de ne pas détacher ses yeux d'eux, c'est-à-dire de rester en leur compagnie, et de ne pas se laisser tenter par la fréquentation des gens riches à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé les richesses de ce bas monde. Et la fréquentation des pauvres et des nécessiteux, ceci fait partie des habitudes des vertueux. Car les pauvres et les nécessiteux, ils te rappellent l'au-delà, ils ne te rappellent pas ce bas monde. Et le fait de les fréquenter te permet de trouver la sérénité et l'apaisement. C'est pour cela que l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, dans son livre « Les moyens utiles pour une vie heureuse », il a mentionné parmi les moyens d'obtenir une vie heureuse le fait de fréquenter les pauvres et les nécessiteux. Car premièrement, ils te rappellent l'au-delà. Et deuxièmement, il y a dans leur fréquentation un apaisement du cœur, car ils ne vont pas te tenter, ils ne seront pas une source de tentation par les biens vils de ce bas monde. Et méditez à ce sujet sur la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique lorsqu'il a dit « Regardez ceux qui sont inférieurs à vous, et ne regardez pas ceux qui sont supérieurs à vous. Ainsi, vous serez plus à même de ne pas mépriser le bienfait d'Allah sur vous. » Si tu regardes les gens qui sont inférieurs à toi, ceux qui possèdent moins que toi, ceux qui sont plus éprouvés que toi, tu vas te rendre compte que tu es comblé de bienfaits. Mais si tu regardes des gens qui sont supérieurs à toi, qui sont plus riches que toi, qui possèdent plus que toi, alors il se peut que tu t'indignes et que tu te mettes à mépriser les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés. C'est pour cela que fréquenter les pauvres va te permettre de prendre conscience des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé. Alors que celui qui fréquente les riches, celui qui fréquente les adeptes de ce bas monde, ceux qui courent après cette dunya, il risque de mépriser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être toujours insatisfait. On rapporte de Aoun ibn Abdillah rahimahullah ta'ala qu'il a dit: je fréquentais les gens riches et j'étais toujours triste et affligé. Je voyais des vêtements plus beaux que mes vêtements, des montures plus belles que ma monture. Je me suis alors mis à fréquenter les pauvres et j'ai trouvé la sérénité. Celui qui va fréquenter les gens riches, il risque d'être tenté, d'admirer les biens qu'il possède. Et ensuite, il va regarder ce que lui, il possède, il va regarder ses vêtements, il va regarder sa voiture, il va regarder sa maison. Il ne sera pas satisfait de ce qu'il possède. Et pire encore, il risque de tomber dans l'ingratitude. Alors que celui qui fréquente les gens pauvres, il sera apaisé. Il sera épargné de toutes ses tentations. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala a dit: prenez garde à la fréquentation des gens riches, car c'est une cause menant à s'indigner de la subsistance, c'est-à-dire être pris d'indignation vis-à-vis de ce qui t'a été accordé. Et comme sont nombreux les gens qui sont éprouvés par cela aujourd'hui, combien sont ceux qui, s'ils observaient leur situation de manière objective, ils se rendraient compte qu'ils vivent une vie de roi. Il a une maison dans laquelle s'abriter. Il a une source de subsistance. Il a de quoi boire, il a de quoi manger. Il a de quoi se vêtir, il a de quoi se laver. Mais étant donné que nos visions ont été faussées Beaucoup de personnes, malgré qu'elles possèdent toutes ces richesses, c'est comme si elles menaient une vie des plus malheureuses, car ils sont sans cesse en train de regarder ceux qui sont supérieurs à eux. Ils regardent ceux qui vivent dans des palais, ceux qui ont des grands commerces, notamment avec le développement des réseaux sociaux aujourd'hui, et cette mauvaise habitude qu'ont pris les gens de s'afficher sur ces réseaux, d'afficher leurs richesses, d'afficher leur mode de vie qui, bien souvent, relève plus de la fiction que de la réalité. Mais quoi qu'il en soit, cela reste une tentation pour beaucoup de gens. Certaines personnes vont sur ces réseaux et voient d'autres vivre dans des palais, dans des belles maisons, avoir de beaux vêtements, avoir de belles voitures, puis ils sont tentés. Et ensuite, ils méprisent les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés. Ils sont toujours attristés et toujours affligés, toujours insatisfaits. Et cela, en réalité, même s'ils possédaient l'ensemble des trésors possédés par les hommes sur terre, il ne serait toujours pas satisfait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, si l'enfant d'Adam possédait une vallée d'or, il aurait aimé en posséder une deuxième. Mais rien ne remplira sa bouche si ce n'est la terre, lorsqu'il sera enterré après sa mort. À ce moment-là, il sera rassasié de ce bas monde. Mais avant cela, il n'arrive pas à se rassasier. Il en veut toujours plus. C'est pour cela que nos savants et les imams parmi les imams des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils recommandaient la fréquentation des pauvres et des nécessiteux, afin que tu prennes conscience de l'ensemble des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés. Tu vois qu'une personne ne possède pas de maison et toi tu loues Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé une maison où dormir. Tu vois une personne qui n'a pas de véhicule pour se déplacer, tu loues Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé un véhicule pour te déplacer. Tu vois une personne qui n'a pas de quoi se couvrir et se protéger du froid. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé à toi des vêtements pour te couvrir et te protéger du froid, et ainsi de suite. Fréquenter les pauvres et les nécessiteux va te permettre de prendre conscience du bienfait et de la richesse dans laquelle tu vis. Et Sofiane, rahimahullah ta'ala, qui a adressé ce conseil, c'était un exemple à ce sujet. Il a été dit au sujet de ces assises que les pauvres étaient dans celles-ci les riches, et les riches étaient eux les pauvres. Et ce qui est visé par cela, c'est qu'ils n'accordaient pas de distinction aux gens dans ces assises en fonction de leur richesse. Ils n'honoraient pas les gens en fonction de leur rang social. Contrairement à la plupart des gens aujourd'hui, notamment les adeptes de ce bas monde, les gens de Dunya, qui honorent les gens en fonction de leur richesse, en fonction de leur travail, en fonction de leurs vêtements, de leur voiture ou autre. Et lorsqu'ils voient une personne de laquelle ils ne peuvent tirer aucun profit, alors ils ne le respectent pas et ne lui accordent aucune estime. Mais les savants de l'islam et les gens de vertu, ils honorent une personne en fonction de sa religiosité. Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, disait à ce sujet, honorer les gens en fonction de leur piété. Honorer les gens en fonction de leur piété, non pas en fonction de leur richesse. Et il n'y a pas de doute que les pauvres, de manière générale, étant donné qu'ils sont sujets à moins de tentations, ils sont plus proches de la piété. Et c'est pour cela que les suiveurs des messagers, alayhimus salatu wassalam, étaient souvent les gens faibles et les gens pauvres. Lorsque Hercule a questionné Abu Sofiane au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé qui sont les gens qui le suivent. Est-ce que ce sont les gens nobles ou les gens faibles? Alors Abu Sofiane lui a dit ce sont les gens faibles. Hercule a alors dit, c'est ainsi que sont les suiveurs des messagers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith que la majorité des gens du paradis seront les pauvres. C'est donc pour cela qu'il ne faut pas les mépriser, se rapprocher d'eux pour tous les bienfaits que leur fréquentation comporte et prendre garde à ne pas se laisser tromper par les gens riches et les gens de cette dunya qui bien souvent risquent de te mener à ta perte et à l'égarement. Wallahul musta'an. Ensuite, Sofiane, rahimahullah ta'ala, a abordé d'autres sujets, et notamment le commandement du bien et l'interdiction du mal, ainsi que la mise en garde contre l'amour de la notoriété, et nous verrons cela, incha'Allah ta'ala, dans le cours de demain. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayra.